بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يا أيها الإخوة on a vu lors du cours précédent la zakat sur les billets de banque et la preuve de l'obligation de la zakat sur les billets de banque, c'est le qiyas. La preuve de l'obligation sur la zakat, la preuve de l'obligation de la zakat sur les billets de banque, c'est le qiyas. Le qiyas, donc le qiyas, c'est le raisonnement par analogie ou par similarité. Le raisonnement par similarité, c'est-à-dire que les savants prennent un cas et ils jugent que ce cas donc est similaire à un autre cas où donc il y a un dalil clair. Donc ils appliquent donc à ce cas similaire. Ils appliquent donc à ce cas similaire le même jugement que le cas qui lui ressemble. Donc ici, la similarité est donc par rapport à l'or et l'argent. Donc les savants jugeaient que l'or et l'argent et les billets de banque sont similaires. Donc on y applique donc le même jugement que sur l'or et l'argent. Et donc c'est la même zakat qui est donc appliquée sur les billets de banque, donc qui est de 1/40 et 2,5%. Donc c'est-à-dire que comme les billets de banque ont pris la place de l'or et de l'argent dans les échanges et que c'est par eux qu'on connaît la valeur des choses, donc on y applique le même jugement que sur l'or et l'argent. Et c'est ainsi pour tout ce qui pourrait ressembler aux monnaies en billets comme les crypto-monnaies ou autres. Donc c'est le même jugement pour tout ce qui pourrait ressembler donc aux monnaies en billets. On y applique le même jugement. Et si demain par exemple, les gens se décident de faire leurs échanges en peau de mouton et que ce sont les peaux de mouton qui déterminent la valeur des choses, eh bien les peaux de mouton auront le même jugement que l'or et l'argent comme les billets de banque aujourd'hui. Donc c'est ça donc le qiyas, le raisonnement par similarité ou par analogie. Maintenant, un cas de figure important, surtout à notre époque où le besoin d'emprunter est très répandu, c'est le cas de la personne qui emprunte ou qui fait un prêt. Le cas de la personne qui emprunte ou qui fait un prêt à quelqu'un ou qui prête à quelqu'un. Et donc, quelqu'un qui emprunte de l'argent en billet de banque ou qui prête de l'argent en billet de banque à quelqu'un. Comment se gère la zakat de cet argent prêté ou emprunté? Commençons d'abord donc par le cas de figure de celui qui emprunte. Lorsque tu empruntes une somme d'argent, si ça atteint le nisab, si la somme d'argent empruntée elle-même atteint le nisab, ou bien qu'elle n'atteint pas le nisab, mais que lorsqu'on prend cette somme et on y ajoute d'autres biens que tu possèdes, ça atteint le nisab, comme des biens commerciaux par exemple, tu dois payer la zakat sur cet argent emprunté. Tu dois payer la zakat sur cet argent emprunté lorsque ça atteint al-hawl. Donc lorsque cet argent emprunté atteint un nisab et al-hawl, donc la durée d'un an du calendrier islamique, depuis le jour où tu as emprunté cette somme, depuis le jour où cette somme est en ta possession, depuis le jour où l'argent emprunté est en ta possession, donc tu comptes al-hawl et tu dois sortir la zakat sur cet argent. Prenons l'exemple de quelqu'un qui possède des biens commerciaux. Par exemple, il possède des terrains qu'il vend ou des voitures qu'il vend. Et puis, il emprunte une somme d'argent. Il emprunte une somme d'argent qui n'atteint pas le nisab. Les biens commerciaux qu'il possède atteignent le nisab. Et il doit sortir la zakat sur ces biens commerciaux qui atteignent al-hawl, par exemple, tous les premiers du mois de Safar. Et puis, l'emprunt, il l'a fait au mois de Sha'ban. Donc, les biens qu'il possède atteignent le nisab et ça atteint al-hawl, la durée d'un an légiférée pour sortir la zakat. Ça atteint al-hawl le premier du mois de Safar. Et puis, donc, il a emprunté une somme d'argent au mois de Sha'ban. Donc, dans ce cas-là, s'il veut, il sort la zakat sur ses biens commerciaux au mois de Safar. S'il veut, il sort la zakat sur ses biens commerciaux au mois de Safar. Et il attend le mois de Sha'ban pour additionner l'argent qui lui reste à l'argent emprunté. Donc, il additionne le reste de ses biens à l'argent emprunté. Et donc, il sort la zakat sur le tout au mois de Sha'ban. Parce que comme on l'a déjà vu, les billets de banque donc s'associent aux biens commerciaux ou alors et à l'argent pour compléter le nisab. Donc on peut avoir des biens commerciaux qui n'atteignent pas le nisab et puis de l'argent qui n'atteint pas le nisab, mais en faisant l'association, en additionnant l'un à l'autre, on atteint un nisab. Et dans ce cas-là donc, on fait cela, on complète le nisab avec l'argent qu'on possède. Comme on l'a vu précédemment, ça c'est faisable. Entre les biens commerciaux et l'argent, c'est faisable. Et l'or et l'argent, c'est faisable aussi. On peut posséder de l'or et de l'argent qui n'atteint pas le nisab, des biens commerciaux qui n'atteignent pas le nisab, et posséder de l'argent en billets de banque qui n'atteignent pas le nisab. Donc, l'association de tout ça, on additionne tout ça. Si ça atteint le nisab donc on sort la zakat sur le tout. On en sort la zakat donc sur le tout dès que ça atteint donc la durée de un an du calendrier islamique. Mais par contre, comme on l'a vu, si on a juste de l'argent et de l'or, si on a de l'argent et de l'or en notre possession, c'est-à-dire de l'argent et de l'or brut, par exemple, bon, c'est pas des billets de banque. Si on a juste en notre possession de l'or en grammes et de l'argent en grammes, ou en kilos, bon, dans ce cas-là, voilà, si on a de l'argent en grammes et de l'or en grammes qui n'atteignent pas le nisab, si on a de l'argent en grammes et de l'or en grammes qui n'atteignent pas le nisab, on a vu que on ne fait pas l'association des deux. Et l'avis le plus juste concernant ce cas-là, l'avis le plus juste concernant ce cas, c'est qu'il n'y a pas de zakat à payer ni sur l'or ni sur l'argent. Donc les deux ne s'associent pas pour atteindre le nisab. On ne complète pas donc l'or et l'argent, comme on l'a vu précédemment. On ne complète pas l'or et l'argent qui n'atteignent pas chacun de son côté, chacun séparément le nisab. On ne les associe pas pour se compléter et atteindre le nisab. Par contre, on associe donc l'argent et l'or à des biens commerciaux, par exemple des terrains, des maisons ou autres, ou des voitures qu'on vend, ou de la marchandise qu'on vend. On associe cela donc à l'or et à l'argent. Ça se complète. Ça se complète aussi donc avec des billets de banque pour atteindre le nisab. Donc, au mois de Charban, qui est le mois où la personne a emprunté, qui est le mois où il a emprunté, donc, au mois de Charban, donc, où il a emprunté la somme qu'il a empruntée, il associe donc cette somme qui n'atteint pas le nisab, il associe cette somme à ce qu'il possède comme biens commerciaux ou comme or et argent pour compléter le nisab et il sort donc la zakat concernant cet argent emprunté. Et il peut aussi sortir directement le tout au mois de Safar, s'il veut. Comme on l'a vu, il est permis de payer la zakat en avance, avant que El Haoul ne soit atteint, tant que le bien atteint un nisab. Tant que le bien atteint un nisab. Donc voilà. Donc il est permis donc à ce moment-là donc qu'il sorte la zakat sur l'argent emprunté. Il sort la zakat sur l'argent emprunté donc à Safar, donc avant que El Hol ne soit atteint. Et si l'argent emprunté lui-même atteint déjà le nisab, donc si l'argent emprunté atteint le nisab, il peut donc sortir la zakat sur ses premiers biens au mois de Safar et il sort la zakat sur l'argent. Il sort la zakat sur l'argent atteignant donc un nisab au mois de Charban. Il sort la zakat sur l'argent atteignant le nisab au mois de Charban. Donc, c'est au choix. Soit la personne donc il attend, soit la personne plutôt il atteint, soit la personne il attend que l'argent emprunté atteigne, il attend que l'argent emprunté atteigne El Haoul. Donc au mois de Charban, comme on l'a dit, il a emprunté au mois de Charban. Donc il attend que l'argent emprunté atteigne El Haoul au mois de Charban pour sortir la zakat. Soit donc il associe directement cet argent emprunté à ses autres biens qui atteignent le nisab et il sort la zakat sur le tout directement au mois de Safar. Donc il sort la zakat sur le tout directement au mois de Safar. Et moi je pense que c'est le plus simple, surtout pour des grands commerçants ou des hommes d'affaires qui ont souvent des gros volumes de transactions au courant d'une année. C'est pas évident de faire donc tous ces calculs et d'être attentif à ce que telle somme je l'ai empruntée au mois de Safar, telle somme c'était au mois de Muharram à telle date. Donc par exemple, telle somme c'était le 13 de Muharram, donc le 13 de Muharram de l'année suivante, je dois sortir la zakat sur telle somme. L'autre somme, je l'ai eu en héritage à telle date. L'autre somme, voilà. Je l'ai gagné à telle date. Voilà, donc c'est pas évident. Donc, c'est donc mieux pour régler le problème parce qu'il y a une difficulté, donc il y a une mashaqqa, donc de devoir à chaque fois calculer des durées d'un an différentes avant de sortir la zakat sur les différentes sommes en notre possession. Donc, c'est mieux pour régler le problème. Une fois que, pour s'éviter de calculer plusieurs hauls, c'est mieux donc de sortir la zakat une fois sur tout ce qu'on possède à un moment déterminé de l'année. Même si pour certaines sommes qu'on possède, ça fera qu'on sortira donc leur zakat en avance. Maintenant donc, voyons le cas de celui qui possède de l'argent, le cas du prêteur, le cas de celui qui possède de l'argent qu'il prête à un frère, donc le prêteur. Donc prenons le cas d'un frère qui prête de l'argent à un autre frère. Exemple, il lui prête la somme de 10 000 euros au mois de Muharram, prenant de lui l'engagement qu'il va lui rembourser un an après, au mois de Muharram de l'année suivante. Est-ce que celui qui a prêté devra sortir la zakat sur ces 10 000 euros parce que les un an se sont écoulés? Ou alors, autre cas de figure, un frère, par exemple, vend une maison à un autre frère à crédit. Donc, par exemple, il lui vend une maison à 200 000 euros, par exemple, disant que le frère va lui payer cette somme après 2 ans. C'est un exemple. Il lui vend donc sa maison à crédit. Il lui vend une maison à crédit, disant que le frère va lui payer cette somme 2 ans après. Donc cet argent reste comme une dette sur le frère qui a acheté la maison. Et donc si après les 2 ans, hein, après que les 2 ans se soient écoulés, le frère lui verse les 200 000 euros comme convenu, est-ce que comme 2 ans se sont écoulés, il doit sortir la zakat de 2 ans sur ces 200 000 euros dont il est entré en possession? Voilà le cas de figure donc qui nous intéresse. Donc sur ce genre de cas de figure, comme il n'y a pas de preuve claire du Kitab et de la Sunna sur la question, les savants ont divergé et l'avis le plus juste est celui de ceux qui ont établi le jugement suivant. Ils ont dit: ça dépend de la situation de l'endetté. Ça dépend de la situation de l'endetté. Si l'endetté est quelqu'un de riche qui a la capacité de rembourser et qui est sérieux, dont on a bon espoir d'être payé sans problème, dans ce cas, il est obligatoire de payer la zakat sur cette dette pour chaque année écoulée par rapport aux preuves et atar concernant l'obligation de payer la zakat, et parce que la dette dont on a bon espoir d'être payé, ils ont dit c'est comme un argent qu'on a mis de côté ou un argent qu'on a sous le matelas, c'est-à-dire que c'est comme un argent qui est en notre possession. C'est comme un argent, ça a le même jugement qu'un argent qui est en notre possession. Donc, la personne qui en a la possibilité, il peut sortir la zakat. Donc, chaque année, il peut sortir la zakat de cet argent chaque année. Ou alors, il lui est aussi permis d'attendre. Lorsqu'il entre en possession de cette somme, il sort la zakat pour chaque année écoulé. Donc, par exemple, dans notre cas de figure, sur les 200 000 euros, donc, dès qu'il les récupère et que le frère s'acquitte de cette somme et qu'il entre en possession de cette somme de 200 000 euros, il sort la zakat de 2 années. Il sort la zakat de 2 années. Il paye donc la zakat de 2 années sur cette somme-là. Mais si l'endetté, par contre, est un mauvais payeur qui trouve à chaque fois des excuses pour retarder le paiement de sa dette alors qu'il en a la capacité, ou alors même c'est quelqu'un qui ne reconnaît pas la dette, qui nie être endetté, qui ne reconnaît pas la dette, ça peut arriver, ou alors c'est quelqu'un qui est pauvre ou bien est devenu pauvre. Bon, quand il a emprunté, bon, c'était quelqu'un d'aisé qui avait les capacités de rembourser, mais entre-temps, il a connu la ruine et il se retrouve donc dans l'incapacité de rembourser. Donc, dans ce cas, il y a 2 avis. Le premier est que s'il réussit, si la personne qui a prêté son argent réussit à récupérer son argent, il sort la zakat d'un an seulement. Donc, par exemple, voilà, il a prêté à la personne son argent et puis la personne lui rembourse peut-être 3 ans, 4 ans après, ou 5 ans, ou 5 ans après. Il parvient, même avec difficulté, à rentrer en possession de son argent. Donc, les savants sur cela, certains savants ont opté pour la vie que Certains savants ont opté pour la vie qu'il sort la zakat d'un an seulement. Parmi eux, il y a Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, Cheikh ibn Baz et Cheikh ibn Uthaymin, rahimahumullah, qui ont donc opté pour cet avis. Ils ont opté donc pour cet avis dans leur fatwa. Et leur argument, c'est donc le qiyas, donc, jugement par cas similaire. Donc, ils ont jugé que ce cas est similaire à celui de la zakat sur les fruits. Ils ont jugé que ce cas est similaire à celui de la zakat sur les fruits, qui est donc au moment de la récolte. La zakat sur les fruits, c'est au moment de la récolte. Donc, ils ont jugé que cette dette, lorsqu'elle est récupérée, elle est comme la zakat des fruits, dont on ne sort leur zakat que lorsqu'on récolte. La zakat des fruits qui ne sort que au moment de la récolte. Donc, cette dette aussi, lorsqu'on la récupère, on sort la zakat à ce moment-là seulement. On sort la zakat à ce moment-là seulement, donc pour 1 année. Donc, la zakat de 1 an seulement. Même si l'argent a mis 3 ans, 4 ans, 5 ans avant d'être remboursé. Donc, quand on récupère, on sort la zakat d'un an seulement. Et l'autre avis, c'est celui de. L'autre avis, donc, et c'est celui-là qui m'apparaît le plus clair. C'est celui-là qui m'apparaît le plus juste. Wallahu a'lam. L'autre avis, c'est qu'il n'y a pas de zakat à payer sur cet argent. Et quand tu récupères l'argent, c'est à ce moment-là que tu commences à compter el-hawl. À partir du moment où tu as récupéré ton argent et que ton argent que tu avais prêté est en ta possession, c'est là où tu commences donc à compter la durée d'un an du calendrier islamique pour payer donc la zakat à la fin de cette année. Cet avis, c'est l'avis pour lequel a opté Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et les arguments de cet avis sont que la zakat sur les biens, c'est soit il faut la payer chaque année, soit il n'y a pas de zakat à payer. Donc, soit il faut payer la zakat chaque année sur les biens, soit il n'y a pas de zakat à payer sur ces biens. Il n'y a pas de troisième option ou de position intermédiaire. Donc, les biens sont de deux sortes. Des biens où il faut payer la zakat, des biens sur lesquels il faut payer la zakat chaque année, ou bien des biens où il n'y a pas de zakat à payer. Il n'y a pas de troisième option ou de position intermédiaire. Donc, l'avis de dire que on paye seulement. L'avis de dire qu'on paye seulement un an après avoir récupéré cet argent-là, sans payer les années qui précédentes, ne repose sur aucune preuve. Cet avis ne repose sur aucune preuve. Parce que la zakat, soit elle est à payer et on la paye chaque année, soit on n'a rien à payer. Et donc dire qu'on va faire une différence entre la dernière année, l'année où on récupère cet argent, et les années avant cette année ne repose sur aucune preuve. Et c'est ce que l'imam Abu Ubaid a signifié dans son livre Al-Amwal, de même que Ibn Abd al-Barr dans son livre Al-Istidkar. Ils ont donc estimé que cet avis de payer un an ne repose sur rien. Autre argument est que cet argent qui est chez un mauvais payeur, c'est comme s'il n'existait pas, parce que souvent même la personne ne le récupère jamais. Il peut arriver que la personne ne récupère jamais cet argent. Et ce n'est pas un argent sur lequel tu peux faire des projets, contrairement à l'argent qui est détenu par un bon payeur. Donc, la vie le plus juste, Wallahu a'lam, c'est que lorsque tu réussis à récupérer ton argent que tu as prêté, tu comptes la durée d'un an à partir du moment où tu es entré en possession de ton argent et tu sors la zakat l'année suivante. Et tu n'as rien à payer donc pour les années écoulées. Tu n'as rien à payer pour les années écoulées, Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Donc, c'est l'avis qui m'apparaît le plus juste, parce que dire qu'on va payer un an et ne pas payer les années précédentes, faire une différence entre le moment où on récupère cet argent et les années précédentes, ça ne repose donc sur ça ne repose sur aucune preuve. Maintenant, voyons le cas de l'argent gagné. L'argent gagné hors bénéfice des biens commerciaux. Parce que les bénéfices des biens commerciaux ou la plus-value réalisée sur les biens commerciaux a un autre jugement, comme nous allons le voir, Inch'Allah. Il s'agit ici donc du salaire des salariés, par exemple, ou de l'argent obtenu par héritage, ou par don, par exemple, ou de l'argent perçu pour un service ou un travail, pour un service rendu ou un travail accompli, comme ça peut être le cas pour certains techniciens, plombiers, menuisiers, peintres, maçons, mécaniciens, informaticiens, ingénieurs de ceci ou de cela. Il se peut aussi que, il se peut que cet argent que la personne perçoit, il se peut que cet argent atteigne ou dépasse le nisab. Il se peut que certains aient des sommes comme ça qu'ils perçoivent qui atteignent ou dépassent le nisab. Et il y a des gens, par exemple, dont les salaires atteignent ou dépassent le nisab. Il y a des gens comme ça que leur salaire atteint ou dépasse le nisab de l'or ou de l'argent. Certains touchent des grosses sommes, des gros salaires, 20 000, 30 000 euros, 40 000, 50 000 euros. Ça arrive. Ça veut donc dire que sur chacun de ces salaires, la personne doit sortir la zakat si ça reste en sa possession une durée d'un an. Bon. Quelqu'un, par exemple, chaque mois, il touche 30 000 euros. Chaque mois, il touche 50 000 euros. Donc, à chaque fois qu'il touche un salaire, donc ce salaire-là, si ça reste en sa possession sans diminuer, sans passer en dessous d'une ESSAB, si ça reste en sa possession une durée d'un an, et ça peut arriver, dans ce cas-là, il doit payer donc la zakat sur chacun de ses salaires qu'il perçoit à chaque fois. Donc, par contre, si quelqu'un perçoit une telle somme de tel salaire, mais que à chaque fois qu'il touche son salaire, il utilise tout son salaire avant que le prochain salaire n'arrive, ou bien qu'il utilise la majorité de son argent de sorte que cet argent-là, le salaire qu'il a perçu, ça redescend en dessous d'une ESSAB. À chaque fois, cet argent descend en dessous d'une ESSAB, ça ne met pas un an sans qu'il ait utilisé cet argent jusqu'à le faire descendre en dessous d'une ESSAB. Dans ce cas-là, il n'y a pas de zakat à payer. La zakat est à payer seulement si le salaire perçu est utilisé, mais que ce salaire-là reste au niveau d'une ESSAB ou au-dessus d'une ESSAB pendant une durée d'un an. Pendant une durée d'un an. Et donc, dans ce cas-là, il doit sortir donc la zakat sur chaque salaire perçu. Donc, quelqu'un peut avoir des salaires comme ça que voilà, il touche peut-être 30 000, 40 000, 50 000 euros. Voilà, il va utiliser peut-être 5 000 euros ou 10 000 euros. Donc, l'argent, quoi qu'il arrive, ça ne descend jamais en dessous d'une ESSAB. Et donc, les salaires s'accumulent comme ça sur son compte. Hein? Les salaires s'accumulent comme ça en sa possession. Donc, il doit sortir donc sur chaque salaire de chacun de ses salaires perçus, la zakat, dès que ça fait un an. Donc, ça fait que dans ce cas-là, il doit calculer le salaire perçu à Muharram. Il faut qu'il sorte la zakat de ce salaire à Muharram de l'année suivante. Le salaire perçu à Sha'ban, il faut qu'il paye sa zakat à Sha'ban. Le salaire perçu à Dhul-Hijjah, il faut qu'il paye sa zakat à Dhul-Hijjah. Mais comme je l'ai dit précédemment, dans cela, il y a une mashaqqa, il y a une mashaqqa, il y a une difficulté. Il y a une difficulté d'opérer de cette façon. C'est pas évident de faire ces calculs à chaque fois. Donc, le mieux et le plus simple pour la personne, c'est de fixer une date dans l'année, hein, basée par exemple sur le premier salaire perçu. Hein, basée sur le premier salaire perçu. Donc, à partir du moment où le premier salaire perçu a fait une durée du calendrier islamique d'un an, il sort la zakat donc sur tout ce qu'il a perçu entre-temps, même si ça n'atteint pas el haoul, même si le reste des autres salaires n'a pas atteint la durée d'un an en sa possession. Donc ceci parce que on l'a vu, c'est permis de payer la zakat en avance avant que le haoul ne soit atteint. Donc ainsi, en procédant ainsi, il s'évite donc cette tracasserie de devoir à chaque fois et cette difficulté de devoir à chaque fois calculer le haoul de chaque somme perçue. Donc c'est mieux donc de fixer donc une date à laquelle donc, se basant sur le premier salaire perçu, tu sors la zakat sur tout ce que tu possèdes à cette date-là. Pareil pour l'argent de l'héritage ou tout autre argent perçu. Tu peux commencer à compter Al-Hawl dès que tu perçois cet argent. S'il n'y a pas de difficulté en cela pour toi, tu peux commencer à compter Al-Hawl, donc la durée d'un an du calendrier islamique, à partir du moment où tu as perçu ce bien ou cet argent de héritage ou cet argent qu'on t'a donné. Et donc tu payes la zakat après un an écoulé, ou soit alors, c'est au choix, soit tu sors la zakat sur tout ce que tu possèdes, tu sors la zakat sur tout ce que tu possèdes en une seule fois, même si ça fait que pour certaines sommes, ou bien leur zakat sera payée en avance. Leur zakat sera payée en avance. Et on a vu que c'est ce qui se passait donc à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'époque des califes, parce que ils envoyaient donc des gens, ils envoyaient donc as-su'at, donc les employés de la zakat, percevoir la zakat à un moment déterminé de l'année. Et il est connu que les gens, par rapport à leur bien, leur situation diverge. Donc c'est impossible que tout le monde soit dans la même situation au niveau du haoul, au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien un des califes envoie les employés percevoir la zakat. Donc c'est sûr que à ce moment-là, il y avait des gens qui payaient donc la zakat en avance, même si le haoul n'avait pas été atteint. Ils payaient donc la zakat sur certains biens qu'ils possédaient, bétail ou autre. Ils payaient donc la zakat en avance. Donc voilà la preuve de ce qu'on vient de voir comme jugement. Donc c'est le hadith de Ibn Omar rapporté par At-Tirmidhi, dans lequel il est dit man istafada malan fala zakata alayhi hatta yahul alayhi al-hul. Man istafada malan fala zakata alayhi hatta yahul alayhi al-hul. Donc celui qui a gagné ou acquis un bien, il n'y a pas de zakat sur lui jusqu'à ce que la durée d'un an soit atteinte. Et il faut bien faire attention à ce qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire que ce jugement ne concerne que les biens qui ne sont pas, ce jugement ne concerne que les biens qui ne sont pas sujets à plus-value. Ce jugement ne concerne que les biens qui ne sont pas sujets à plus-value. Par exemple, si quelqu'un possède des chameaux, disons par exemple, quelqu'un possède voilà, on lui a donné 30 chameaux en héritage. On lui a donné 30 chameaux, il a perçu 30 chameaux en héritage, par exemple. Et que après il doit payer la zakat sur ces 30 chameaux. Mais entre-temps, il a eu 5 naissances dans son troupeau. Il a eu 5 naissances dans son troupeau, ce qui porte le nombre de têtes de son troupeau à 35. Il doit sortir la zakat sur les 35. Il doit sortir la zakat sur les 35. On n'attend pas que les 5 qui sont nés fassent une durée de 1 an pour payer la zakat. Pour payer la zakat sur eux. Donc, on associe, comme on l'a dit, le bien de base est lié à le même jugement que la plus-value. Le bien de base a le même jugement que sa plus-value. Donc on sort la zakat sur le tout. Pareil pour la personne qui a un terrain qui prend de la valeur d'un coup. S'il doit payer sortir la zakat, hein, il sort la zakat sur le tout, sur la valeur du moment où il doit sortir la zakat, même s'il y a une plus-value par rapport au moment de son acquisition. Voilà, quelqu'un peut acquérir un terrain. Au moment où il acquiert le terrain a telle valeur. Mais au moment où il doit sortir la zakat, le terrain a pris de la valeur. Donc il sort la zakat sur la valeur du moment où il doit sortir la zakat, pas la valeur Parce que c'est comme ça qu'on sort cette retraite-là, on estime. Par exemple, quelqu'un qui a des terrains et qui doit sortir la zakat sur ces terrains-là, il doit estimer la valeur de son terrain chez les gens qui connaissent. Ils connaissent la valeur du terrain, il doit sortir la valeur en argent de ce terrain et il paye la zakat. S'il en a les moyens, il sort donc la zakat en argent. Donc il estime son terrain. Par exemple, tu as un terrain, quand tu as acquis ce terrain-là, ça avait une valeur par exemple de 10 000 euros, disons. Maintenant, au moment où tu dois sortir la zakat, tu fais estimer la valeur de ton terrain et on te fait comprendre que maintenant ton terrain vaut 15 000 euros. Maintenant, ton terrain vaut 15 000 euros, ça a pris de la valeur. Eh bien, tu dois payer la zakat sur les 15 000 euros. Tu dois payer la zakat sur les 15 000 euros. Donc, c'est pour ça que je disais que ce jugement-là ne concerne que les biens qui ne sont pas sujets à plus-value. Mais les biens qui sont sujets à plus-value, donc, on estime que le bien de base, la valeur de base, on a le même jugement que la plus-value s'il y a. Donc, la plus-value suit. La plus-value est directement additionnée à la valeur de base et on sort la zakat sur le tout. Et c'est pareil donc sur les biens, c'est pareil sur les biens commerciaux, on sort la zakat sur le capital et le bénéfice tout en même temps. Donc, si tu as de la marchandise, tu sors et que tu dois sortir la zakat, ça atteint El Haoul, tu dois sortir la zakat sur ta marchandise. Tu sors la zakat sur la marchandise. Tu sors la zakat sur le capital et les bénéfices que tu as eu à. Donc, si tu as une entreprise ou si tu as une boutique et que tu as de la marchandise qui atteint un nisab et que voilà, tu dois sortir la zakat sur ça et entre-temps tu as fait des bénéfices donc tu sors la zakat sur le capital et les bénéfices que tu as fait en même temps. Donc le jugement dont il est question dans le hadith de Ibn Omar, c'est concernant les biens ou l'argent qui ne produit pas et qui ne sont pas donc sujets à plus-value. Ce sur quoi il y a plus-value a le même jugement que le bien de base et on sort la zakat sur le tout. Le hadith de Ibn Omar radiallahu anh, est rapporté par At-Tirmidhi et les savants du hadith l'ont jugé mawquf, c'est-à-dire que ce hadith s'arrête à Ibn Omar. C'est la parole de Ibn Omar, c'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme l'a dit l'imam al-Sanani, et c'est le jugement sur lequel sont beaucoup de savants, l'imam al-Sanani dans Subul al-Salam, qui est son commentaire de Bulugh al-Maram, il a le jugement, il a donc opté pour le fait que il a opté pour le fait que ce hadith a le jugement d'un hadith remontant jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que il estime donc que, comme j'ai eu à le dire sur un autre hadith précédemment, il estime l'imam al-Sana'ani dans Souboul que un compagnon ne peut pas sortir des jugements concernant la religion de sa tête. Il n'y a pas de place pour l'ijtihad dans ce genre de cas. Donc il n'y a pas de place pour l'ijtihad dans ce genre de cas. Donc c'est forcément que si Ibn Omar, radiallahu anhu, il a dit cela, c'est qu'il l'a entendu de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam al-Sanani, donc il estime que ça a le même jugement qu'un hadith qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que, comme on l'a dit précédemment, un compagnon peut donner un jugement. Comme là, il peut dire que, bon, voilà, le jugement par rapport à telle situation, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est sur des questions où il n'y a pas de place pour l'ijtihad, on estime que ça a la même valeur que s'il disait « J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire ». Donc, ça a le même jugement parce qu'un compagnon ne peut pas faire l'erreur, ne peut pas faire ce genre de choses de sortir un jugement concernant la religion d'Allah de sa propre tête. Surtout sur des sujets comme ça qui ne sont pas, où il n'y a pas de place pour l'ijtihad. Donc sur des sujets encore où il y a de la place pour l'ijtihad, il peut sortir quelque chose, il peut sortir quelque chose de sa tête par rapport à son analyse, mais pas sur ce genre de cas-là. Donc c'est forcément qu'il a entendu cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il n'a pas dit explicitement que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire. Et l'imam Sanani dit aussi donc dans Subul al-Salam, il dit que ce hadith est appuyé par des athars authentiques. Ce hadith est appuyé donc par des athars. Les athars, donc, c'est les paroles des compagnons. Ce hadith est appuyé par des athars authentiques rapportés des quatre califes. Rapportés des quatre califes bien guidés. Et d'autres parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, voyons la zakat sur les dividendes ou les bénéfices versés aux actionnaires d'une société ou une entreprise où il y a des associés. La zakat sur les dividendes ou les bénéfices versés aux actionnaires d'une société ou les parts d'une entreprise où il y a des associés. Donc dans ce cas, la personne doit additionner son apport, c'est-à-dire la part du capital qu'il a mis au départ, plus son bénéfice, et il sort la zakat sur le tout. Donc par exemple, vous êtes deux associés, vous avez mis une mise de départ, vous avez chacun mis moitié-moitié sur le capital. Par exemple, le capital de votre société, c'est 20 000 euros, chacun a mis 10 000 euros comme capital. Donc maintenant, et vous faites 50-50 sur les bénéfices. Donc ça veut dire que lorsque l'entreprise a des bénéfices, chacun d'entre vous il prend 10 000 euros et il associe les 10 000 euros là. Donc il additionne ça à sa part des bénéfices et il sort la zakat directement sur le tout. Lorsque ça a fait un an, donc Al-Hawl, un an du calendrier islamique. Maintenant, il y a le cas de figure où l'associé ne paye pas de zakat. Il y a le cas de figure où l'associé ne paye pas de zakat. C'est lorsque ton apport, c'est la main d'œuvre ou le travail. Que ton apport dans l'entreprise, c'est pas un apport financier, mais c'est le travail ou la main d'œuvre ou l'expertise. Par exemple, deux personnes s'associent dans une affaire. Un met les finances et l'autre met comme apport son expertise ou sa main d'œuvre, de sorte que c'est lui qui va travailler, l'autre met juste les moyens, l'autre met juste le capital. Comme par exemple dans une boutique, par exemple, un des associés peut mettre l'argent, le capital, pour acheter les marchandises. Et l'autre associé, c'est lui qui va être le gérant et le vendeur. Et c'est lui qui va travailler dans cette boutique. Et ils se sont donc fixés que chacun ils ont fixé le pourcentage que chacun va toucher, donc des bénéfices. Donc ce genre d'associé-là, qui est aussi un employé en quelque sorte, ce genre d'associé qui est aussi un employé, lui, dans son cas, lui, il n'y a pas de zakat. Donc voilà, ils se sont mis d'accord que lui, il va travailler, c'est son apport. L'autre met les moyens, il va gérer la boutique, il va travailler. L'autre met les moyens, l'autre est le financier. Et qu'après après les bénéfices, après sur les bénéfices, chacun a tel ou tel pourcentage. Donc pour ce genre d'associé-là, qui n'a pas mis d'apport financier, il n'y a pas de zakat à payer. Même si la société fait des bénéfices et que ces bénéfices font la durée d'un an, font al-hawl, et ceci jusqu'à ce qu'il touche sa part des bénéfices. Jusqu'à ce qu'il touche sa part des bénéfices. Et ce n'est que lorsqu'il touche sa part des bénéfices qu'il commence à compter la durée de un an. Il commence à compter al-hawl. Et il paye donc la zakat sur cet argent si cette somme atteint le nisab. Donc, ce genre d'associé-là qui n'a pas investi son argent, qui n'a pas mis de sa poche dans le capital, lui donc, il attend lorsqu'il va toucher sa part des bénéfices. Lorsqu'il touche sa part des bénéfices, c'est à ce moment-là qu'il compte el-hawl. Il compte el-hawl la durée d'un an et il sort donc la zakat sur ces bénéfices-là, si ça atteint, à condition que ça atteigne un nisab. Mais tant qu'il ne touche pas sa part des bénéfices, il n'a rien à payer parce que, voilà, une société ou une entreprise peut faire des bénéfices pendant des années, mais l'argent est réinjecté. Donc, ça peut arriver qu'une société, elle fonctionne pendant des années, mais les deux associés, les deux partenaires, les actionnaires de la société ne touchent pas de dividendes pendant des années. Jusqu'à ce qu'ils peuvent se mettre d'accord qu'ils ne touchent pas de dividendes, jusqu'à ce que l'entreprise soit financièrement solide. Donc, les sommes peuvent être aussi réinjectées pour que l'entreprise grandisse et grossisse. Donc, on peut réinjecter les fonds, les bénéfices générés dans le fonctionnement et l'achat de nouvelles marchandises, par exemple. Donc, les associés s'entendent de ne pas toucher aux bénéfices pendant un certain nombre d'années jusqu'à ce que, voilà, jusqu'à ce que l'entreprise soit solide financièrement et florissante. Donc, dans ce cas-là, pendant tout ce temps-là, donc, même si les bénéfices atteignent el-hawl, hein, et les bénéfices atteignent le nisab et el-hawl pendant des années, et que ça dure pendant des années, il n'y a pas de zakat sur celui-là qui n'a pas mis d'argent dans le capital jusqu'à ce qu'il prenne sa part des bénéfices. Donc celui qui a seulement pour apport son savoir-faire, son travail ou son expertise, donc ce n'est que quand il récupère sa part des bénéfices qu'il doit donc payer la zakat sur cela si ça atteint un nisab et si ça fait donc ça atteint al-hawl. La durée d'un an. Mais le financier, lui, qui a mis l'argent, qui a sorti de son argent pour injecter dans la société, c'est lui qui a mis le capital. Donc lui, il doit payer la zakat. Il doit payer la zakat si le capital atteint un nisab et atteint ou dépasse un nisab et fait donc la durée d'un an, al-hawl. Et dans ce cas, donc, il payera la zakat sur le capital et sur le capital qu'il aura mis et sur sa part des bénéfices. la part des bénéfices, donc il calcule le capital que lui il a injecté plus la part qui lui revient des bénéfices et il sort la zakat sur le tout. Donc il additionne l'un à l'autre. Il additionne le capital, son capital qu'il a mis, plus la part qui lui revient des bénéfices en excluant la part qui revient à l'autre associé. Donc il prend juste sa part des bénéfices à lui qui doit lui revenir, son pourcentage, et plus le capital qu'il a mis, il sort la zakat sur le tout. Parce que donc la règle chez les gens de science est que le bénéfice suit le même jugement que le capital. Pas besoin que le bénéfice ait fait un haoul, une durée d'un an, pour sortir sa zakat. Donc sa zakat se sort directement avec au même moment que la zakat du capital. Donc à partir du moment où le capital a atteint le haoul, on sort la zakat sur le tout. Et le jugement, donc ce jugement là que je viens de citer, c'est l'avis du madhhab Hanbali et c'est l'avis le plus juste. C'est l'avis le plus juste sur la question et les arguments sont simples. Les arguments sont simples et sont les suivants. C'est que personne n'a à sortir de zakat sur un argent qui ne lui appartient pas ou qui appartient à quelqu'un d'autre. Donc le propriétaire du capital sort la zakat sur le capital et sa part des bénéfices parce que ça lui appartient. Et l'autre associé, il ne sort la zakat que sur sa part des bénéfices lorsqu'il aura récupéré cette part et qu'il sera entré en possession donc de cette part. Parce que c'est quand il aura cet argent en sa possession qu'il en sera réellement le propriétaire. Et donc, on a vu au début de notre cours que voici que parmi les conditions de la zakat, il y a tamamul mulk. Parmi les conditions de la zakat, on avait vu ça au début. Parmi les conditions de la zakat, si vous vous rappelez, il y a tamamul mulk qui est donc la propriété entière et complète. La propriété entière et complète et totale du bien. Donc, c'est une condition pour payer la zakat. Tant que le bien n'est pas en ta possession totale et complète, de sorte que tu peux en disposer comme tu veux, tu peux en faire ce que tu veux, donc tu ne peux pas payer la zakat sur ce genre de bien là. Donc tant qu'il n'a pas perçu sa part de sorte qu'il puisse en faire ce qu'il veut, il n'est pas totalement propriétaire de cet argent, donc il n'a pas de zakat à payer sur cela. Maintenant, il y a des savants comme Ibn Hajar qui ont été de l'avis que le travailleur, donc celui qui apporte juste son expertise, sa main d'œuvre comme apport, il sort quand même la zakat sur sa part si ça atteint le nisab par qiyas avec le cas de la personne qui a prêté de l'argent à une personne capable de rembourser à tout moment. Et que comme cet argent-là, il est possible donc que le travailleur associé touche à tout moment ses bénéfices. Donc comme il peut toucher cet argent-là à tout moment qu'il veut, donc il doit sortir la zakat dessus même s'il n'a pas encore touché cet argent-là. Donc c'est un avis aussi qui n'est pas, c'est un avis qu'on ne peut pas aussi rejeter en bloc. Donc c'est un avis qu'il est aussi important de citer. C'est un avis aussi qui n'est pas un avis dénué de sens. Donc il dit donc que ce cas est similaire au cas de la personne qui prête de l'argent à quelqu'un qui a la capacité de le rembourser à tout moment, quelqu'un qui est aisé, qui a la capacité de lui rembourser à tout moment qu'il le souhaite. Et donc on a vu que le jugement de ce cas-là, c'est que la personne paye la zakat. Il paye la zakat sur cet argent-là, donc. C'est la même chose. Ils disent donc que celui, même le travailleur dans ce cas-là, s'il en a la capacité, donc, il doit sortir la zakat sur ses bénéfices, même si, sur sa part des bénéfices, même s'il n'a pas encore touché cette part. Wallahu a'lam. Maintenant, il faut savoir que le propriétaire de l'argent, donc le propriétaire du capital, lui, il sort la zakat sur le capital et sur le bénéfice, même s'il n'a pas encore touché le bénéfice. Même s'il n'a pas encore touché sa part du bénéfice, il paye la zakat sur le tout, sur le capital et sa part du bénéfice, parce que le bénéfice suit le même jugement que le capital. Donc, comme lui, il a un capital qui atteint un nisab, et après que ce capital-là qu'il a injecté ait fait el-hawl, il doit sortir la zakat sur cet argent-là. Donc, lui, il lui est obligatoire de sortir la zakat sur le capital et le bénéfice, parce que, on l'a dit, la règle chez les gens de science, c'est que le bénéfice suit le même jugement que le capital. Donc, lui, il doit forcément. C'est la différence entre lui et celui qui a juste pour rapport sa main-d'œuvre. C'est la différence entre les deux cas. Lui, qui est le propriétaire du capital, il doit sortir la zakat sur ses bénéfices, même s'il ne les a pas touchés, parce que ses bénéfices suivent, sa part des bénéfices suit le même jugement que le capital. Donc, quand tu sors la zakat sur le capital, tu dois sortir en même temps la zakat sur les bénéfices que tu as engrangés. Donc, pour celui-là, pour cet associé-là, il faut qu'il sorte la zakat sur le tout. Donc, si la zakat de son capital atteint le nisab, il doit donc aussi sortir la zakat sur sa part du bénéfice en même temps. Donc, il est bien dans ce cas-là, il est bien dans ce cas-là que les associés fassent les calculs chaque année pour savoir la part qui revient à chacun, donc la part des bénéfices qui revient à chacun pour faciliter, les calculs de la zakat. C'est important que même s'ils ne touchent pas les bénéfices, qu'ils fassent les calculs chaque année pour déterminer la part de bénéfices qui revient à chacun. Et même si, à mon avis, c'est le jugement du madhhab Hanbali que j'ai cité qui est le plus juste, qu'il n'y a pas de zakat à payer l'associé travailleur, l'associé qui a comme apport son travail jusqu'à ce qu'il récupère son capital et qui commence à compter el-hawl à partir du moment où il a récupéré, qui récupère son bénéfice, pardon, et qu'il commence à compter donc el-hawl à partir du moment où il a récupéré sa part du bénéfice. Il n'y a pas de mal à ce que quelqu'un, par exemple, prenne l'initiative de payer la zakat sur sa part des bénéfices quand même, s'il en a la capacité. S'il en a la capacité, si quelqu'un en a la capacité et qu'il voit que il paye directement, même s'il n'a pas touché ses bénéfices, il paye la zakat sur ces bénéfices-là, qui a atteint le nisab, bah, c'est permis qu'il le fasse. Et c'est mieux de le faire comme ça, tu sors du khilaf, tu sors de la divergence. Donc, c'est pour celui qui en a la capacité, c'est aussi bien de le faire. Même si on a vu que l'avis le plus juste, c'est qu'il n'y a rien, il n'y a rien à payer sur lui. Mais généralement, quand on peut sortir comme ça du khilaf et qu'on en a la capacité, c'est mieux donc de le faire pour avoir la conscience tranquille. On va s'arrêter là pour cette fois. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك